créature déracinée, arrachée de son passé. Mais aujourd'hui, notre nourriture est un empoisonnement. La pluie qui tombe nous brûle la peau, nous brûlons dedans. Mais pourquoi, Seigneur, nous condamnes-tu à ce châtiment? We'll be right back.